La vraie créativité, elle va être liée à la capacité de composer harmonieusement avec un contexte, puis ce qui arrive d'une façon presque totale. C'est un peu lié à l'expansion dans l'harmonie. Il y a une symbiose avec le terrain, le mouvement, les événements, les événements. Même moi, je ne suis pas là, là. Je suis loin d'être rendu là.